La Corée livre dynamiquement les travaux d'entretien territorial par le mouvement pan-national. L'espace du mois de mars au mois de mai étant défini comme période de mobilisation générale printanière pour l'entretien territorial, cette année, le gouvernement coréen donne l'accent à l'afforestation et à la protection des forêts dans le cadre des travaux printaniers. Le reboisement est effectué de façon scientifique dans le principe d'association des arbres latifoliés et des conifères conformément au climat et au sol locaux et tout en appliquant la méthode de plantation suivant les caractéristiques biologiques des arbres et les conditions de sol. L'intérêt primordial est accordé à la prévention des incendies forestiers tandis que le service d'entretien forestier renforce les mesures de prévention contre les dommages dus aux maladies et insectes.